Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Habitat Presto consacré à la déco. Le printemps est déjà bien entamé et il est grand temps d'aménager et de décorer votre extérieur pour la période la plus douce et agréable de l'année. Alors si vous habitez en maison ou en appartement et que vous avez la chance d'avoir un extérieur de type terrasse ou balcon, nous allons vous accompagner pour le transformer en véritable petit coin de paradis à travers nos 4 conseils pratiques. L'objectif est d'agencer, d'aménager et de décorer cet espace de façon à le rendre plus cosy, plus agréable, pratique et joli. Le premier conseil, c'est de vous protéger du soleil. C'est la première chose à faire si votre balcon ou votre terrasse n'est pas couverte. Il faut lui apporter de l'ombre. On vous rappelle que le soleil est dangereux et qu'il est primordial de ne pas s'exposer durant des heures. Pour cela, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez accrocher un joli voile d'ombrage, aussi appelé une toile tendue. Elles sont très tendances et facilement trouvables dans le commerce. Privilégiez des couleurs vives, comme le bleu, le vert ou encore l'orange, pour réveiller votre terrasse ou votre balcon. Notre deuxième solution, c'est d'installer un parasol ou une grande tonnelle de jardin. Classique, mais facile à ouvrir et à fermer à votre guise et selon vos besoins tout au long de la journée. Notre troisième solution, c'est d'investir dans de grandes plantes en pot de type bambou qui seront assez hautes pour vous faire de l'ombre. Enfin, si votre budget vous le permet, pour la terrasse, le plus pratique, c'est d'investir dans une pergola bioclimatique, c'est-à-dire avec des lames qui s'ouvriront et se fermeront toutes seules selon l'exposition du soleil. Notre deuxième conseil concerne le choix du mobilier de jardin. Pour faire une sieste, prendre vos repas ou encore lire un bon livre, vous avez forcément besoin de meubles de jardin pour être bien installé. Le mobilier vintage des années 70 ou encore le rotin et l'osier pour un look plus nature et bohème sont très tendances en ce moment. Pour les choisir, tout dépend de la place disponible sur votre surface. Si vous avez par exemple un petit balcon, vous devrez opter pour une petite table pour 2 personnes avec 2 chaises. Elle sera parfaite pour prendre le petit déjeuner. Si vous avez une terrasse plus grande, c'est le moment de vous faire plaisir avec une grande table, des transats, un hamac et un salon de jardin complet bien sûr, que vous pouvez agrémenter de jolis coussins, d'un tapis et de plaids pour les soirées plus fraîches. Le conseil numéro 3 est de végétaliser votre espace. Pour lui donner un air de vacances, ajoutez toutes sortes de plantes. Des jardinières à suspendre, des arbres en pot, des plantes tropicales, des fleurs, etc. pour créer un véritable mur végétal et une ambiance jungle très tendance. Les végétaux apportent de la fraîcheur en journée, tout en vous protégeant du vis-à-vis si vous avez des voisins un petit peu trop curieux. Enfin, le dernier conseil, c'est d'éclairer votre petit coin extérieur. Un bon éclairage est indispensable pour prendre vos repas le soir ou encore passer une belle soirée d'été entre amis. Les luminaires sont donc pratiques, mais ils apportent aussi leur touche déco bien à eux. Optez pour des objets de type lanterne décorative ou de simples bougies pour une ambiance plus intimiste. Enfin, si vous voulez opter pour le must du must de la tendance, accrochez de belles guirlandes guinguettes solaires ou branchées sur secteur, au choix. Voilà, vous avez désormais toutes les infos et toutes les clés en main pour décorer et aménager votre balcon ou votre terrasse et ainsi profiter des beaux jours qui arrivent. Notre podcast touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour parler travaux. En attendant, envoyez-nous toutes vos questions sur les travaux, la décoration ou l'aménagement de jardin par message sur notre page Facebook ou bien à l'adresse info@habitapresto.com. Votre question sera peut-être sélectionnée pour un prochain podcast où nos experts se feront le plaisir d'y répondre et de vous donner plein d'astuces et de conseils. Et puis, si vous cherchez un artisan pour vos projets de travaux, de rénovation, de décoration ou encore d'aménagement du jardin, remplissez simplement le formulaire sur notre site www.habitapresto.com et nous vous mettrons en relation avec des professionnels près de chez vous. Merci pour votre écoute et à bientôt !